Audiomatique. Thank you. Ce sont les sonorités du projet français Au cœur qui vous introduisait à la transmission 012 de l'émission Audiomatique. La pièce First Highway est tirée du plus récent album d'Au cœur qui se nomme A Parallel Life. Les électronistes qui seront vos hôtes pour cette émission audiomatique du 10 novembre 2014. Jusqu'à 19h, la musique électronique sera à l'honneur sur les ondes de C'est fou. Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des commentaires, questions, demandes spéciales par l'entremise de notre adresse courriel audiomatique@gmail.com. Nos anciennes transmissions sont aussi disponibles en différé. Vous n'avez qu'à suivre les liens que vous trouverez sur notre profil Facebook. La prochaine formation que nous vous proposons d'entendre a pour nom Reversal Penetrations et elle nous offre ici leur composition Mental Cut. Settlement to the Civil War are fading fast. settlement of the Civil War are fading fast. Thank you. À Audiomatique, nous avions droit à la musique du trio allemand Nine Seconds, qui nous présentait la chanson Attractive Lies, qui a été ici remaniée par Mind in a Box. En fait, la chanson a été refaite en collaboration, donc les deux groupes ont collaboré pour refaire cette pièce Attractive Lies. On retrouve cette chanson sur le deuxième album de Nine Seconds, soit l'album Nothing to Confess. Nine Seconds est formé du leader de la formation Sleepwalk et de deux des membres du groupe No Comment. Tout juste avant, il s'agissait d'une autre formation allemande, soit Reversal Penetrations, avec leur composition Mental Cut de leur premier album Cut Up Violation, paru en 2001. Nous entamons la prochaine séquence en compagnie de Frank Spinach et Martin Warbrot, les deux compositeurs derrière la formation C-Bound. Nous écoutons à l'instant la pièce Contraband tirée de leur plus récent album intitulé Speaks in Storm. Of all the things that are to die resonate inside my heart, stabbing me in a blind fury like a child, desperate and lost. Me from within, reminding me that I cannot renounce the vow that time is now. Cries of all the things that are to die interfuse. It's time for you to choose. I am no longer angry. I'm in good faith. We can finish this with dignity and grace. Sent. You carried contraband into my

tout juste avant la publicité. La séquence se concluait sur une composition du projet Autoclave 1.1, incarné par l'artiste Tony Young. La pièce que nous avons écoutée se nomme Inhale, Exhale et paraît sur l'album intitulé Embark on Departure, publié en 2012. Auparavant, l'artiste Tom Gibson nous offrait un remix de la pièce In the Frequency de la formation Collide. Cette version alternative, intitulée Great Apes Mix, se retrouve sur l'album double Bent and Broken, qui regroupe une panoplie de remixes et versions alternatives de pièces de deux albums de Collide, à savoir Two-Headed Monster et Counting to Zero. Et en début de séquence, c'était la formation Seabound et la pièce Contraband de leur plus récent album Speak in Storms. Poursuivons en musique avec cette fois le projet Hellogen à Audiomatic avec les électronistes. Nous entendions le duo américain M-Field à Audiomatic et leur composition Memory Traces de leur album Current of Life. Et ce qui amorçait la séquence musicale était la pièce Halo du projet Halogen, mené par nul autre que Don Gordon, fondateur du groupe canadien Numb. La pièce Halo est parue sur l'album homonyme de Halogen, lancé en 1999. Le vent d'hiver souffle et la neige qui s'accumule inspire l'artiste allemand Christoph Ziegler. Celui-ci fait de l'hiver sa principale source d'inspiration et la base de la démarche artistique de son projet audiovisuel Vinterriket, un mot qui signifie en suédois royaume d'hiver. Depuis 1996, Vinterriket produit des albums dont la majorité propose des ambiances atmosphériques, froides et contemplatives. Chaque album est toujours agrémenté de photos et parfois de vidéos réalisées par l'artiste et présentant des paysages hivernaux inspirant la solitude, que ce soit dans les montagnes ou dans la forêt. Laissons donc Vinterriket conclure la transmission 012 d'Audiomatic avec une composition tirée de son plus récent album Entliegen. Les électronistes qui vous remercient d'avoir passé cette heure consacrée à la musique électronique en notre compagnie, nous vous invitons à être des nôtres mercredi prochain à compter de 18h pour la transmission 013 d'Audiomatic. Entre-temps, vous pouvez réentendre cette émission en rediffusion les samedis à 20h sur les ondes de C'est fou, ou vous pouvez également réentendre toutes les autres transmissions d'Audiomatic en vous rendant sur le profil Facebook de l'émission à facebook.com/audiomatic_CFOU. Restez à l'écoute car les audacieuses suivent dans quelques instants. Mais tout juste avant, laissons-nous entraîner dans une musicalité évoquant l'hiver avec Vinterriket et la pièce Am Nebelfeuer.